إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من الاجتماع لدراسة كتاب لعلم من أعلام هذه الأمة، ألا وهو كتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما نسأله سبحانه وتعالى العون والتسديد على ذلك. Cela étant dit, nous nous réunissons aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pour l'étude d'un épître intitulé « Les six fondements ». Cet épître fait partie des nombreux épîtres écrits par le noble savant, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Dans cet épître, l'auteur, rahimahullah, va nous citer des fondements qui toucheront à la croyance et à la méthodologie, c'est-à-dire le manhaj que le croyant doit emprunter dans sa pratique religieuse. Et l'auteur, rahimahullah, a cité ces six points, ces six fondements, et les a spécifiés du fait de leur grande importance et du fait du grand nombre d'égarements présents quant à ces six points, en particulier à son époque, rahimahullah. Et comme nous allons le voir, cela vaut aussi pour notre époque. Le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit quant à ces six fondements: ces six fondements sont importants et méritent qu'on y prête attention. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'introduction faite par l'auteur rahimahullah, qui nous dit: toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, et que ses éloges et son salut, ainsi que ses bénédictions, reposent sur notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Puis il nous dit, rahimahullah, parmi les choses les plus étonnantes, les plus extraordinaires, et parmi les plus grands signes montrant la puissance du souverain dominateur suprême, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, six fondements qu'Allah a détaillés de manière claire et évidente au commun des gens, d'une manière au-dessus de ce que l'on peut s'imaginer. Et à la suite de cela, un grand nombre de personnes dotées d'intelligence et de raison, parmi les enfants d'Adam, sont dans l'erreur quant à ceci, excepté un très petit nombre de gens. Intaha kalamuhu rahimahullah. L'auteur, dans cette introduction, s'étonne quant au grand nombre de personnes qui ont pu s'égarer face à ces six fondements. Et cela, malgré qu'ils aient été grandement expliqués par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir, et détaillés. Cela à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que malgré cela, la majorité des gens tombent dans l'égarement et dévient face à ses fondements. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: et si tu obéis à la majorité des gens sur terre, alors ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate les Bestiaux, Al-An'am, verset numéro 116. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe clairement, à travers cette mise en garde faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait d'obéir à la majorité des gens sur terre. À travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous met aussi en garde contre le fait d'obéir à ces gens-là. Et il nous informe que la majorité des gens sont égarés. Égarés et déviants. Et cela, dans leur religion, leurs œuvres et leurs sciences, comme nous le dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, dans son commentaire de ce verset. Ils sont donc déviants dans leurs œuvres, car elles sont pour la majorité des gens, en fonction de leur passion. Déviants dans leur science, car elle est pour la majorité des gens, simplement de la conjecture des pensées qui ne sont pas certaines et ne reposent pas sur les preuves divines. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à leur sujet, et ils ne font que proférer des mensonges. Cela car certes, quiconque parle sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion sans science aura certes menti. Et cela, même s'ils ne recherchaient pas le mensonge à travers cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et peu de mes serviteurs seront connaissants. Sourate Saba, verset numéro 13. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Sourate Yusuf, verset numéro 103. Donc, ces versets et d'autres viennent confirmer les propos de l'auteur rahimahullah quant au fait que la grande majorité des enfants d'Adam, et cela malgré leur intelligence et le fait qu'ils soient dotés de raison, se sont quand même égarés quant à ses fondements. Et cela malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait détaillé et expliqué dans son noble livre ses fondements de manière claire. Et comme l'a dit l'auteur, rahimahullah, au-dessus de ce que l'on peut s'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Sourate les abeilles, verset numéro 89. Et donc, nous tirons de cela, de l'introduction faite par l'auteur rahimahullah, un point très important, qui est le fait que le musulman ne doit en aucun cas être trompé par la masse ou la majorité des gens, tant que cette masse ou majorité n'est pas sur la vérité. Et la vérité, certes, réside dans ce qui est dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne doit pas être trompé. Et cela, même si la personne se trouve seule. Comme il a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit, le groupe est ce qui est sur la vérité, et cela, même si tu es seul. Et il n'y a aucun doute quant au fait que les gens de la vérité ont été caractérisés par Allah subhanahu wa ta'ala ou par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant minoritaires ou étranges. Alors que la majorité et la masse est majoritairement blâmée dans le Coran. Cela comme cité précédemment dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset, et si tu obéis à la majorité des gens sur terre, alors ils t'égareront du chemin d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, et peu de mes serviteurs seront connaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de ceux qu'il a appelés el-ghuraba, les étrangers, à propos de ceux à qui il a fait la bonne annonce du paradis, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens vertueux en petit nombre, entourés de gens pervers en grand nombre. Et il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam, à propos du jour de la résurrection, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, viendra un prophète qui n'aura avec lui qu'une personne. C'est-à-dire que de tout son peuple, il n'y aura qu'une seule personne qui aura cru en lui. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et viendra un prophète qui n'aura avec lui que deux personnes. Et un autre prophète qui n'aura avec lui personne. Donc cela, et bien notre preuve, montre que le croyant doit s'efforcer de s'accrocher à la vérité. Et cela, même si elle est délaissée par la majorité des gens. Et donc après cela, après que le lecteur ait compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre comme exposé explicite de toutes choses, et qu'il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer et détailler toutes choses se référant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que malgré cela, la grande majorité des gens ont quand même dévié quant à la compréhension de ses fondements que l'auteur va nous citer, rahimahullah. Le lecteur peut après cela se poser une question. Il peut se demander et se dire quelle est la cause donc qui a pu mener à ce que cette majorité de gens dévie quant à ses fondements ou quant à certains d'entre eux. qui ont été cités de manière explicite dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la réponse est que parmi les causes menant à cela, nous avons tout simplement, comme le citent les gens de science, rahimahumullah, le fait que beaucoup de gens, et cela même si ils sont musulmans, ne recherchent pas la guider à travers la lecture du Coran et à travers la méditation de ses sens. Car pour beaucoup de gens, le Coran se lit seulement pour la baraka, la bénédiction, ou bien pour la récompense de la lecture, ou bien pour simplement prendre du plaisir à l'écoute d'un récitateur qui possède une belle voix. Mais pour certaines personnes, à aucun moment, ils n'auront le but de méditer sur les versets du Coran, ou bien de comparer et exposer ce qu'ils peuvent voir comme acte ou entendre comme parole à ce qui se trouve dans le Coran, pour pouvoir après cela discerner entre ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai ou faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets et que s'en rappellent les gens d'où l'intelligence. Afin qu'il médite ces versets et que s'en rappellent les gens d'où est l'intelligence. Surat Sad, verset numéro 39. Donc, voici la raison pour laquelle le Coran fut descendu, pour qu'il soit médité et que l'on œuvre avec celui-ci. Et à ce sujet, il a été rapporté du célèbre tabi'i Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui a dit: le Coran fut descendu pour que l'on œuvre avec celui-ci. Et les gens ont fait de son œuvre, les gens ont fait de sa lecture une œuvre. Et les gens ont fait de sa lecture une œuvre. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, ces gens-là se contentent de le lire en ayant pour seul but d'embellir leur lecture et en considérant cela comme seul but du Coran, sans à aucun moment chercher à méditer sur ses sens. Et il n'y a aucun doute que celui qui aura fait cela aura certainement fermé une porte menant à la compréhension du Coran et menant à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce que nous tirons de l'introduction faite par l'auteur rahimahullah, il y a le fait que la peur du croyant quant à l'égarement doit augmenter et qu'il ne se sente jamais à l'abri de l'égarement et qu'il ne se repose en aucun cas sur sa seule intelligence, mais qu'il ait pour habitude, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il multiplie l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses paroles: ô celui qui retourne les cœurs, raffermi mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Car comme cité par l'auteur, malgré qu'il soit doté de raison et d'intelligence, la majorité des enfants d'Adam se sont égarés et ont dévié quant à ces fondements qui ont été détaillés et éclaircis par Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui peut être comprise par la personne la plus simple d'esprit parmi les enfants d'Adam. Ensuite, l'auteur rahimahullah commence par le premier fondement. Il nous dit rahimahullah: le premier fondement consiste à vouer un culte exclusif à Allah seul, sans associé, et l'éclaircissement de son inverse qui est l'association, et le fait que le Coran soit en majorité consacré à expliquer ce fondement de différentes manières, à travers des propos pouvant être compris par les plus simples d'esprit parmi les gens du commun. Et ensuite, après qu'il soit arrivé à la majorité de cette communauté ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire la propagation de l'ignorance, Satan a fait apparaître aux gens la sincérité du culte pour Allah comme étant un rabaissement des personnes vertueuses et une négligence quant à leurs droits. Et il leur a fait apparaître le shirk, l'association à Allah, comme étant une forme d'amour pour les personnes vertueuses et une manière de les suivre. L'auteur donc, rahimahullah, a commencé par le premier fondement, qui est « Ikhlas ud-din lillah », le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé, rahimahullah, par ce point, car il est le plus important. Et la première obligation qui incombe à chaque serviteur, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, dans les trois formes d'unicité, c'est-à-dire dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa divinité, son adoration, et dans ses nouveaux attributs, sa perfection. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui affirmer à lui seul ce qui lui est spécifique subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu par le mot ikhlas est le fait de purifier l'intention lors de l'œuvre, de la purifier de tout ce qui peut diminuer ou annuler cette sincérité. Comme il est dit en langue arabe, akhlastu dhahab, avec le mot akhlastu, duquel est tiré le mot ikhlas, qui veut dire j'ai purifié l'or. Cela en ôtant et en retirant tout ce qui peut s'y mélanger. Donc, à titre égal, le mukhlis, celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, doit s'efforcer de purifier son intention de tout ce qui peut s'y mélanger, comme intention dirigée vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves venant affirmer ce fondement cité par l'auteur rahimahullah, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset, et adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Et certes, à Allah seul appartient la religion de pureté. Sourate Az-Zumar, verset numéro 2 et 3. Donc ici, en lui vouant un culte exclusif. Mokhlesan lahuddin. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, certes, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Sourate Az-Zumar, verset numéro 11. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, dit, certes, c'est Allah seul que j'adore, en lui vouant un culte exclusif. Surat Az-Zumar, verset numéro 13. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyina, verset numéro 5. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il accomplisse des œuvres pieuses, et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre, c'est-à-dire lequel sera le plus sincère et le plus conforme au suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, il a dit, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit donc une œuvre dans laquelle il m'associe, autre, je le délaisse alors lui et son associé. Donc, dans cela, et dans bien d'autres preuves tirées du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons ce qui vient affirmer ce fondement immense, à propos duquel, comme nous le dit l'auteur rahimahullah, le Coran est majoritairement consacré. Et plus encore, à ce sujet, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, le Coran tout entier est consacré au tawhid, au fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, car il contient soit l'ordre de lui vouer un culte exclusif, donc de manière explicite, ou l'interdiction de lui associer autre que lui, ou bien des ordres et interdits religieux, qui sont les droits du tawhid, et ce qui vient le compléter, ou bien des récits à propos des gens du tawhid et la bonne fin qu'ils ont pu avoir, ou bien des récits à propos des gens du shirk et la mauvaise fin qu'ils ont pu avoir, ou bien les récompenses réservées dans l'au-delà aux gens du tawhid, ainsi que le châtiment réservé dans l'au-delà aux gens du shirk. Donc que le Coran tout entier vient confirmer et affirmer et expliquer ce fondement. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit aussi, les gens, à propos de cela, c'est-à-dire à propos du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se divise en quatre catégories. La première, qui est la meilleure, sont ceux qui réunissent entre la sincérité et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la pire, elle est ceux qui réunissent entre l'innovation et le fait de diriger cette innovation vers autre qu'Allah. Et entre ces deux-là, nous pouvons trouver les hypocrites, qui en apparence suivent le messager, sans sincérité, et certains gens de l'innovation, qui ont une certaine forme de sincérité, mais qui délaissent le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres parmi les gens de science citent que ces deux conditions, c'est-à-dire la sincérité du culte pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, sont inséparables. C'est-à-dire que s'il y a un manquement dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors cela sera une preuve d'un manque de sincérité. Et s'il y a un manquement dans la sincérité, cela sera donc une preuve qu'il y a un manquement dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et après que l'auteur rahimahullah ait cité le point le plus important, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et après qu'il nous ait informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé ce point et l'a expliqué de manière claire dans le Coran, de différentes manières, il nous cite aussi son inverse, qui est le shirk, le fait d'associer autre à Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui lui est spécifique. Et le shirk, donc, est le pire des actes et le plus nuisible au serviteur. Et il a été, comme l'a cité l'auteur rahimahullah, expliqué et détaillé par Allah subhanahu wa ta'ala de manière claire pour le commun des gens. Parmi cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est la pire des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Certes, l'association est une injustice énorme. Sourate Luqman, verset numéro 31. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, à propos du shirk, qu'il annule les œuvres. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset. Et nous avons considéré ce qu'ils ont accompli comme œuvre et l'avons rendu en poussière éparpillée. Sourate Al-Furqan, verset numéro 23. Donc, les œuvres de ces personnes-là, qui n'ont pas été sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas été construites sur un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous informe qu'il a rendu ses œuvres en poussière éparpillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a interdit à son auteur l'entrée au paradis. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset. Certes, quiconque accorde un associé à Allah, alors le paradis lui sera interdit et son refuge est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il ne pardonne pas à quiconque meurt sur ce péché, sans s'être repenti. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc, cela montre clairement et vient affirmer les propos de l'auteur quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé de manière claire ces deux points, qui sont le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de délaisser son inverse, qui est le shirk. Il est donc obligatoire à tout musulman d'apprendre et d'étudier le shirk et ses différentes formes. Cela pour pouvoir s'en prémunir. Car comme il a été dit, comment la personne peut se prémunir d'une chose qu'elle ne connaît pas? Et comme il a été rapporté du noble khalifa, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a dit, les nœuds de l'islam vont se défaire l'un après l'autre lorsqu'apparaîtra dans l'islam des gens qui ne connaissent pas la jahiliya, c'est-à-dire la période pré-islamique, et le mal qui a pu s'y trouver. Donc le musulman doit obligatoirement étudier le shirk et y prendre garde, que ce soit le polythéisme majeur, qui est le fait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre un égal à Allah alors qu'il t'a créé, ou bien le polythéisme mineur, qui est tout acte menant au polythéisme majeur, qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna comme étant du shirk ou de la mécréance. Et pour conclure, l'auteur nous cite un des points qui a pu mener à ce que les gens se soient égarés quant à ce fondement, malgré le fait qu'il ait été éclairci par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran d'une manière que tout le monde peut comprendre. D'une manière que tout le monde peut comprendre. Donc l'auteur rahimahullah nous dit: ensuite, après qu'il soit arrivé à la majorité de cette communauté ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire la propagation de l'ignorance, après que l'ignorance se soit répandue dans la communauté Il nous dit, rahimahullah, Satan, Shaitan, leur a fait apparaître le shirk sous la forme de l'amour des pieux et leur suivi. Et il a fait apparaître aux gens la sincérité du culte sous la forme d'un manque de respect des pieux et d'une négligence quant à leurs droits. Donc la cause ici, premièrement, est le manque de science. Deuxièmement, une des ruses de Shaitan, qui consiste à appeler les choses par autre que leur réalité, en leur donnant des noms acceptables, ce qui va pousser les gens à accepter ce à quoi il appelle. Car une des causes menant à ce que le faux soit accepté et qu'il soit mélangé au vrai, cela est donc une des ruses de Shaitan et une des ruses des Shayatin parmi les êtres humains. Donc, les personnes qui vont appeler les gens à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cela a été éclairci de manière claire dans le Coran, ne vont pas appeler cela du shirk. Mais comme l'a dit l'auteur, vont appeler cela, à titre d'exemple, l'amour des pieux. Ou bien le suivi des pieux. Donc la personne va tomber dans le shirk, va diriger un acte d'adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant à travers cela, faire une chose qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela car une des ruses de Shaitan et des Shayatin al-Ins est le fait, comme l'a cité l'auteur, d'appeler les choses par autre que leur réel nom et par autre que ce qui va refléter leur réalité. Et cela comme l'a fait Iblis avec Adam wa Hawa, lorsqu'il a appelé l'arbre duquel Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manger, l'arbre de l'éternité. Donc il a invité Adam wa Hawa à manger de cet arbre en l'appelant Shajarat al-Khuld, l'arbre de l'éternité. Donc cela est une ruse de Shaitan et une des causes qui a mené à ce que la majorité des gens, comme le cite l'auteur, soient égarés face à ce fondement et soient tombés dans des formes de polythéisme et, pour d'autres, ont délaissé le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est aussi, comme le cite des gens de science, une des ruses parmi les gens de l'innovation, qui va être le fait de faire paraître aux gens leur égarement et leur innovation dans l'habit du vrai, pour que cela puisse être acceptable. Et ils suivent dans cela le chemin d'Iblis, comme cité précédemment. Et ils suivent aussi le chemin d'une partie des Juifs, à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, « Et ne mélangez pas le vrai au faux en cachant la vérité alors que vous savez. » Et ne mélangez pas le vrai au faux en cachant la vérité alors que vous savez. Surat al-Baqarah, verset numéro 42. Donc, une des causes qui a mené à ce que la majorité des gens soient égarés dans ce fondement est le fait, premièrement, qu'ils aient été touchés par l'ignorance. Deuxièmement, qu'ils soient tombés dans une des ruses de Shaitan, qui est le fait d'appeler le faux avec des noms acceptables. Et à l'inverse, d'appeler le vrai avec des noms qui seront autres que la réalité. Comme cité par l'auteur rahimahullah, le fait qu'il a fait apparaître aux gens le culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un manquement quant au droit des pieux. Donc, celui qui ne va pas diriger des actes d'adoration vers les personnes pieuses sera considéré comme une personne mauvaise et comme une personne qui néglige les droits des pieux, alors que cette personne est en réalité sur la vérité. Donc le seul point, après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va permettre aux croyants d'être préservés de ces ruses, est le fait de s'adonner à la science et d'apprendre ce qu'est le shirk pour pouvoir s'en écarter et d'apprendre ce qu'est le tawhid pour pouvoir s'y accrocher. Et cela, même si la personne se retrouve seule, car elle sait qu'elle est sur la vérité et qu'elle a compris que la masse et la majorité n'a de valeur que si elle est construite et qu'elle repose sur la vérité qui est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous concluons donc, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala, notre lecture d'aujourd'hui avec ce premier fondement, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir le vrai en tant que vrai et de nous accorder son suivi, et qu'il nous accorde de voir le faux en tant que faux, et qu'il nous permette de nous en écarter. et qu'il nous accorde aide et assistance, subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui peut nous rapprocher de sa miséricorde et nous éloigner de son châtiment. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.